Drip, B-Y, double S, yo. C'est ma peine, c'est ma haine que je mets dans mon spam. La galère, ma douleur qui glisse entre mes wadios. Et je me demande combien font la même chose que moi. Au même moment, mais sur un autre continent. Que tu sois Irish, bosniaque, allemand ou français. La misère te frappe, elle s'en bat les couilles des frontières. Sans tchep, elle te traque et elle t'attrape. Demande au mec de Soweto ou à ce trap. En France, à SDF, à Panama ou dans Lyon. Son espérance de vie est la même qu'au Sierra Leone. Ça m'étonne que famine rime avec Afrique. J'ai vécu des semaines de dalle à cause du manque de fric. Et j'ai vu mes rêves s'envoler. Je trouve ça ouf d'en être arrivé à voler pour manger. La misère, c'est international. Elle frappe partout jusqu'au sommet du mont Sinaï. Maroc, Bosnie, Herman, France. Les frontières ne séparent pas les souffrances. Kadhafi, Army, ils ont l'air si gentils dans leur costume à 3000 balles. Le moral n'est pas intact via les impacts de balles. Est-ce la misère ou bien l'argent qui les intéresse? Est-ce la misère qui fait de nous des boss de la paresse? La misère pour se calmer, qui pour se calmer se doit de se calmer à l'abri dans une cave. Pendant ce temps-là, un président savoure son cigare. À cet instant même, une bombe pète tout dans cette gare. La violence, la drogue, les armes, le vol, les meurtres, les braquages, la prison, les viols. Tout ça, ça fait partie de notre vie, pas de notre vocabulaire. Ne sachant pas si c'est la fin, mais ça, on a tout l'air. La misère n'a pas de passeport ni de carte d'identité. Travaille partout sans passer par l'université. Maroc, Bosnie, Herman, France. Les frontières ne séparent pas les souffrances. Kadhafi, Army, Koudi, Pepais. Des gars, c'est les petits clash, j'aime chasse. Encore une lame pour cette putain de misère. Qui me suit, me suivra jusqu'au bout du cimetière. Frère, et je me rappelle de cette année de famine. Pour ceux qui sont morts, une fatira, Amin. Fermez vos yeux et elle sera al. Elle parle toutes les langues, cette pute est internationale. Peu importe sur le globe, elle nous fait si mal. Nous brise le moral, nous enferme dans sa spirale. Elle touche toute la France, un pays riche dans ce monde. Et tue toute leur force dans les pays du tiers-monde. C'est immonde qu'elle m'ait rendu ainsi. Même si tout va bien, je pense aux soucis. Elle est venue, m'a pris, m'a rendu plus dur. Malgré les fissures, je marche droit dans mes chaussures. Tous ces ratures sur mon visage figurent. Mais je la quitterai un jour, frangin, je te jure. Maroc, Bosnie, Herman, France. Les frontières ne séparent pas les souffrances. Kadhafi, Army, Koudi, Pepais. Die ganze Welt lebt in gleichem Scheiß.